Thank you. Thank you. Sur le VTT. Putain. 1-1. Ça marche plus d'un côté. Oh oh. Non, c'est que. À force d'avoir trop joué de la musique fort. Et vous êtes en 4 mesures ? C'est fort. Je suis malade. C'est quoi ça? Oh. Ah si, quand même. Ah. Et voilà. Tu vois, je mens pas. Je vais vous donner ma crève, mais par micro. Non, ça marche pas. J'ai de la chance. Ah, j'ai compris pourquoi il y a une piste de trop là.